Un titre un peu bizarre. Alors j'entends des aspirateurs de joie. Les personnes qui, à un moment dans ta vie, par rapport à une situation X ou Y, prennent une partie de toi, de ta gaieté, de ta joie, qui du coup te retrouvent à te faire de la peine alors que c'était pas forcément ce que la situation de départ et que c'est sûrement pas forcément volontaire. Et c'est ça qui est complexe, c'est que les gens qui te font du mal à un moment donné, c'est pas forcément des gens, des mauvaises personnes ou des gens qui veulent te faire du mal. Et à ce sujet, je trouve que la pensée de Spinoza est assez simple et juste. En gros, lui, il parle de la connexion entre les gens en termes de composition et de décomposition. C'est-à-dire qu'il refuse les idées de bien et mal et il introduit du relativisme dans sa pensée. En gros, c'est l'idée qu'avec certaines personnes, on va composer. En fait, ça va augmenter ce que lui, il appelle notre puissance d'agir. On va être heureux, on va être actif et on va avoir l'impression de former un être supérieur. Et avec certaines personnes, bah ça compose pas. Notre puissance d'agir, elle est diminuée. On est malheureux, on est passif. Et c'est pas que les personnes sont mauvaises en elles-mêmes. C'est juste que on n'est pas compatible. Que ce soit genre, toujours ou à un moment. Et en fait, pour Spinoza, c'est que en fait, nos névroses ne sont pas compatibles. C'est assez marrant parce que des fois, c'est assez juste. Et en fait, c'est cette idée, c'était un paradoxe que m'avait soulevé une amie récemment, qu'elle avait trouvé un peu suite à ses propres expériences. C'est que les gens ne sont jamais des parfaits connards. C'est-à-dire, bon, je parlais en masculin pour pas devoir utiliser masculin et féminin à chaque fois, mais ça s'applique pour tout. C'est toute réflexion qui commence par non, mais je le connais, c'est pas un connard. En fait, ça sert à rien parce que oui, forcément, c'est pas un connard total, sinon il serait pas dans ta vie et tu l'appellerais. Si c'était un connard total, tu t'en foutrais parce que ce serait une personne qui n'aurait pas d'intérêt. Il y a bien quelque chose qui fait que la personne rentre dans ta vie, même si après ça se détériore et tout ça, mais on ne laisse jamais rentrer quelqu'un qui n'est qu'un connard. Donc on a le droit de refuser dans notre vie des gens qui ne sont pas des parfaits connards. Après, forcément, peut-être des gens qui sont vraiment que des connards, je sais pas, mais en gros, l'idée c'est que on a juste le droit de dire bah, non, là je veux pas quoi. Sans forcément que ce soit pour toujours, sans forcément que ce soit super solennel, mais de manière très décomplexée, je veux pas parce que t'aspires une partie de ma positivité. Et cette réflexion sur l'aspirateur, c'est venu après une story d'un compte Instagram qui s'appelle SimacDaddy. Et elle dit aussi dans cette vidéo que si les gens prennent de toi, c'est parce que tu as quelque chose à donner. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui a de la valeur, qui les intéresse. Parce que tu ne prendrais pas quelqu'un qui est vide, quelque chose de quelqu'un qui est vide. Du coup, en fait, elle renversait un peu cette réflexion sur je fais que donner, je fais que donner. Mais c'est parce que tu as quelque chose à donner. Et donner, c'est génial. C'est savoir donner, c'est énorme. Et j'aurais eu envie de parler dans une relation entre deux personnes d'équilibre. Parce que faut qu'il y ait une espèce d'équilibre entre les deux, entre ce que donnent les deux. Mais j'ai eu une discussion avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui disait que c'était pas un bon terme parce que les gens ressentent les choses différemment. Qu'en fait, les humains ressentent des émotions tellement variées qu'on devrait les cartographier, tellement c'est complexe. Et que du coup, l'aspect de calcul de la balance, qui du coup, prend en compte la quantité mais pas la qualité, si on peut parler comme ça, bah, c'est réducteur. Du coup, je vais choisir le mot réciprocité parce que ça met l'accent sur le flux. C'est l'idée que quand tu donnes, tu dois aussi recevoir. Et sincèrement recevoir. Enfin, ça doit être un échange. Sinon, ça, il y a bien un moment où ça marche plus, quoi. Et on a le droit de plus vouloir donner quand ce qu'on reçoit, bah, ça augmente pas notre puissance d'agir. Voilà. Et cette vidéo de SimacDaddy, je l'ai vue à partir du compte de Dora Mouto, qui est une journaliste qui est sur Instagram. Et elle commentait cette vidéo et elle disait qu'en fait, c'est marrant parce que dans notre vie, on protège plein de choses. On protège le fric, on protège nos choses. Il y a vraiment une notion de protection, de propriété, de sécurité. Mais il faut aussi savoir se protéger soi. Ça ne veut pas dire se renfermer, ça ne veut pas dire avoir peur de s'ouvrir, mais on a une forme, une certaine valeur qu'il faut savoir un peu protéger. Mais du coup, ça m'a fait rire cette espèce de chaîne de réflexion, comme une vidéo à une autre vidéo, à un podcast, quand les mots de certains entraînent ceux d'un autre. Et du coup, pour finir le podcast, l'épisode sur un mauvais jeu de mots, ce serait remplacer l'aspiration par l'inspiration.